frontal est en feu, missile balistique en approche. Le terrain est tombé sous les feux de l'ennemi. MIG, hein. Les blancs se prennent pour des noirs, les noirs se prennent pour des blancs. C'est dégueulasse à voir, faut être pour avoir, j'ai appris ça de la vie. La tête elle est pleine, le regard il est vide. Le VVS, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, pose un lourd en billet bleu, bien sûr j'aurai la trique. Sur un couteau, je vais leur faire de la drill. Avec le même couteau, je vais découper un kill. Un kilo. La frappe, ça attire les clients. Les clients. L'argent, ça attire les putains. Je peux pas compter les teutrés vu qu'il y en a plus d'un. Je recompte toujours, je te fais pas confiance. MIG, moula, zéro de la moumou. Pour la payer, ça donne de la conce à la nounou. Personne s'inquiète quand c'est la mumu. Mais ça crie quand ça voit la passe. Le mal ou le bien, on sait faire les deux. Je fume que la beuh, j'ai arrêté le pilon. T'es mal les yeux, le regard en gilon. Yeah. Les petites chez moi sont les grandes chez vous. Hydre vend la zipette aux grandes chez vous. Donc baisse la voix, en première comme Balavoine. Vu ma tête, j'passerai pas la douane. Yeah. À Gaza, Rosa Park, n'aurait trouvé ni route, ni siège, ni bus. On est de ceux qu'on rabaisse. Mes couplets valent cher comme un terrain de cesse. Et on danse quand nos ennemis tremblent. Juste un coup de fil, on est revenu à 30. Un coup dur, on s'est retrouvé à 3. Toi, tu vends ton corps, la misère t'étrangle. Je la roule dessus comme si j'étais défaut. Parfois, la gentillesse est un défaut. Je suis venu raconter ma vie au greffier. Putain de greffier. Prochaine étape, on les livre en drone. On flex, on entasse les cartes grises. Tout toujours armé comme un bâton rouge. On arrose au chargeur et un cœur de lion. Ils t'ont pété sur une grosse filière. Je suis dans les couloirs comme un auxiliaire. L'hiver au ski, blindé comme un Zelinski. Dire que j'étais dans la fosse hier. Dealer, le produit est excellent. Les vides de la chop sont teintées. Ils peuvent plus voir mes émotions. Et quand je brûle la prod avec MIG, je me demande combien d'ennemis j'ai. Les blancs sont pour des noirs, les noirs sont pour des blancs. C'est dégueulasse à voir, faut être pour avoir, j'ai appris ça de la vie. La tête elle est pleine, le regard il est vide. Le VVS, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, pose un lourd en billet.